Je mange des chips toute la journée pour ne pas vous entendre me parler. Je suis à l'abri de l'humanité et de son horreur grâce à quelques poignées de chipsters.